Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un thriller métaphysique, rien n'est si simple, dans Un nommé jeudi de Gilbert Kate Chesterton. Le faux est partout, le déguisement, une activité mentale comme physique permanente. Fausse barbe, faux policemen déguisé en poète, faux ouvrier anarchiste, conspiration, silencieuse croisade contre la famille et l'État, dénonciation du plus grand criminel de l'époque, à savoir la philosophie moderne. On se surveille réciproquement. On ne sait pas si l'interlocuteur est de votre côté, et alors on peut changer soi-même de côté. On peut comparer les anarchistes aux vrais chrétiens primitifs, tenir à l'ordre établi par rébellion contre la rébellion. Peu importe. Un nommé jeudi est distrayant dans le sens le plus élevé du terme. Jeudi, puis le repas épouvantable, voici les 3e et 4e épisodes diffusés pour la première fois sur France Culture les 7 et 8 septembre 1983. J'ai juré devant Dieu de ne pas révéler votre secret à la police. Voulez-vous jurer au nom de l'humanité ou de quelque chose en quoi vous croyez ? De ne pas révéler mon secret aux anarchistes. Votre secret ? Vous avez un secret ? Oui. J'ai un secret. Jurez-vous ? Il faut que vous m'ayez ensorcelé. Mais vous excitez furieusement ma curiosité. Eh bien oui. Je jure de ne rien dire aux anarchistes de ce que vous me direz. Mais dépêchez-vous, car ils peuvent être ici d'une minute à l'autre. Eh bien, je ne saurais exprimer la vérité plus brièvement qu'en vous disant ceci. Votre expédient de vous déguiser en inoffensif poète n'est pas connu seulement de vous et de votre président. Il y a quelque temps que nous en sommes informés à Scotland Yard. Que dites-vous ? Ah oui, c'est vrai, je suis un détective. Mais il me semble que voici venir vos amis. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Bilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, 3e épisode, jeudi. Avec Pierre Arditi, Gérard de Sarthe, Raymond Jourdan, Michael Lansdale, Julien Guillaumard. Réalisation Claude Roland Manuel. Quelqu'un s'oppose-t-il à la candidature du camarade Grégory au poste de jeudi au Conseil central des anarchistes d'Europe ? Eh bien, si personne ne s'y oppose, en qualité de président de ce conseil local, je déclare le camarade Grégory... Monsieur le Président, je fais opposition. Camarades, nous venons d'écouter le camarade Grégory. Est-ce pour cela que nous sommes venus ici ? Vivons-nous sous terre comme des rats ? Pour entendre cela. C'est la déloquence qui nous conviendrait si nous allions, les jours de fête, manger des gâteaux dans les écoles du dimanche. Avons-nous fait de ces murs un râtelier d'armes ? Avons-nous barricadé cette porte avec des engins de mort ? Pour empêcher les gens de venir écouter les homélies du camarade Grégory ? Soyez bons et vous serez heureux. L'honnêteté est la meilleure politique. La vertu est sa propre récompense. Il n'y a pas un mot dans le discours du camarade Grégory qu'un vicaire n'eût applaudi avec plaisir. Eh bien, moi, je ne suis pas un vicaire. Il a raison. Bravo. Et je n'ai pas entendu le camarade Grégory avec plaisir. Bravo, bravo, bravo. L'homme qui ferait un bon vicaire ne saurait être le jeudi qu'il nous faut, actif, résolu, implacable. Très bien. Le camarade Grégory nous a dit sur le ton de l'apologie que nous ne sommes pas les ennemis de la société. Eh bien moi, je dis que nous sommes les ennemis de la société, parce que la société est l'ennemi de l'humanité, son ennemi antique et impitoyable. Absolument. Le camarade Grégory nous a dit, toujours sur le ton de l'apologie, que nous ne sommes pas des assassins. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes des exécuteurs. Abominable hypocrite. Le camarade Grégory m'accuse d'hypocrisie. Il sait pourtant aussi bien que moi que je tiens mes engagements et que je ne fais que mon devoir. Je ne mâche pas les mots, je ne sais pas mâcher les mots. Je dis que le camarade Grégory ne saurait être un bon jeudi en dépit des qualités qui nous le rendent si cher. Il en est incapable précisément à cause de ses aimables qualités. Nous ne voulons pas d'un conseil suprême de l'anarchie infecté de cette charité larmoyante. Le temps n'est pas aux cérémonies courtoises. Le temps n'est pas à la modestie cérémonieuse. Je me présente contre le camarade Grégory comme je me présenterai contre tous les gouvernements d'Europe. Parce que l'anarchiste, qui s'est donné tout entier à l'anarchie, ne connaît pas plus la modestie qu'il ne connaît l'orgueil. Je ne suis pas un individu. Je suis une cause. Je me présente contre le camarade Grégory avec autant de calme et de désintéressement que je mettrai à choisir dans ce râtelier un pistolet de préférence à un autre. Oui, plutôt que de laisser entrer au Conseil suprême un Grégory avec ses méthodes édulcorées, je m'offre à vos suffrages. Halte-là ! Halte-là ! Insensé ! Halte-là ! Je n'irai pas au Conseil pour réfuter la calomnie qui fait de vous des assassins. J'irai pour la mériter moi-même. Camarades, aux prêtres qui dit que nous sommes les ennemis de la religion, aux juges qui dit que nous sommes les ennemis de la loi, aux gras parlementaires qui dit que nous sommes les ennemis de l'ordre, à tout cela je répondrai. Vous êtes de faux rois, mais des prophètes véridiques. Je viens accomplir vos prophéties en vous anéantissant. Je propose, sous forme d'amendement, que le camarade Syme soit nommé au poste vacant. Halte-là ! Non, halte-là et que tout cela finisse ! Tout cela n'est que... Y a-t-il quelqu'un pour appuyer cet amendement ? Mais que tout cela finisse ! Écoutez, je vais mettre fin à tout cela. Cet homme ne saurait être élu par vous. C'est un... Eh bien ? Enfin ! Eh bien ? C'est un quoi ? Cet homme ne connaît rien à notre œuvre. Il manque totalement d'expérience. Puisqu'il est délégué, il est parfaitement éligible. Je suis favorable à l'élection du camarade Tsai. Moi aussi. L'amendement sera donc présenté à vos suffrages. Il s'agit de savoir si le camarade Tsai... Non, camarade, mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Mais je ne suis pas fou. Mais je vais vous donner un conseil que vous pourrez juger fou, s'il vous plaît. Bien plus, ce n'est pas un conseil, puisque je ne puis alléguer en sa faveur aucune raison. Je dirais donc que c'est un ordre, et je vous adjure de m'obéir. Dites que cet ordre est fou, mais suivez-le. Frappez-moi si vous voulez, mais écoutez-moi. Tuez-moi, mais obéissez-moi. Ne votez pas pour cet homme. Et le camarade Grégory ordonne... Mais qui êtes-vous, Grégory ? Vous n'êtes pas dimanche ? Vous n'êtes pas jeudi non plus. Camarade, que m'importe que vous détestiez en moi un tyran ou un esclave. Si vous repoussez mes ordres, écoutez mes abjectes prières. Je m'agenouille devant vous. Je me jette à vos pieds. Je vous implore. Ne déléguez pas cet homme. Camarade Grégory, votre attitude manque vraiment de dignité. Il s'agit de savoir si le camarade Sain sera élu pour remplir le poste de jeudi au Conseil central. Le camarade Sain est nommé délégué en qualité de jeudi au Conseil central des anarchistes d'Europe. Bravo. Voici le document qui authentifie votre élection, camarade Sain. La séance est levée. Monsieur Gabriel Sain, de la police secrète, délégué en tant que jeudi au Conseil central des anarchistes d'Europe. Vous êtes un démon. Vous êtes un honnête homme. Mais c'est vous qui m'avez forcé. Oh, soyez raisonnable. Pourquoi m'avez-vous amené dans cet infernal parlement? Vous avez exigé mon serment avant que j'exigeasse le vôtre. Sans doute, nous agissons l'un et l'autre selon l'idée que nous nous faisons du bien et du mal, mais de votre conception à la mienne, il y a une si formidable distance que nous ne saurions admettre de compromis. Il ne peut y avoir entre nous que l'honneur et la mort. Le bateau est prêt. Ayez la bonté de me suivre. Je vous suis, président. Vous avez tenu votre parole. Vous êtes un homme d'honneur. Et je vous en remercie. Vous avez tenu votre parole jusqu'au bout. Et dans les moindres détails. Je pense particulièrement à la promesse que vous m'avez faite au début de toute cette affaire. Et que vous avez tenue. Que voulez-vous dire? Et que vous ai-je promis? Une soirée intéressante. Salut. Camarade. Vous pouvez embarquer. Bonne chance, je dis. En embarquant sur le petit vapeur, il sembla à Sain qu'il abordait à des rives entièrement neutres, sur une nouvelle planète. Cette impression lui venait sans doute de la décision insensée, mais irrévocable, qui venait de modifier sa destinée. Le changement du ciel, depuis qu'il était entré 2 heures auparavant dans le bar Paradoxe, y était aussi pour quelque chose. Plus de traces de plumage affolé. Seul et nu, la lune régnait dans le ciel nu. Une lune puissante et pleine, plutôt comparable à un soleil pâli qu'à une lune normale. Et cela suggérait l'idée d'un jour mort, plutôt que d'une belle nuit de lune. Sur tout le paysage se répandait cette coloration lumineuse et irréelle, ce crépuscule de désastre que Milton a observé pendant les éclipses de soleil. Je suis bien sur une autre planète, moins vivante que la nôtre, gravitant autour d'une étoile plus triste que la nôtre. Gabriel Sain n'était pas seulement un policeman déguisé en poète, c'était vraiment un poète qui s'était fait détective. Il n'y avait pas trace d'hypocrisie dans sa haine de l'anarchie. Il était de ceux que la stupéfiante folie de la plupart des révolutionnaires amène à un conservatisme excessif. Ce n'était pas la tradition qui l'y avait amené. Son amour des convenances avait été spontané et soudain. Il tenait pour l'ordre établi, par rébellion contre la rébellion. Entouré depuis l'enfance par toutes les formes possibles de la révolte, n'était-il pas fatal que je me révoltasse aussi contre quelque chose ou en faveur de quelque chose? Ce que je fis, en faveur du bon sens ou du sens commun. Souviens-toi aussi de quelle famille d'originaux tu sortais. Cet oncle, qui ne se promenait que sans chapeau, cet autre, qui avait essayé de ne s'habiller que d'un chapeau, mon artiste de père qui cultivait éperdument son moi, une mère férue d'hygiène et de simplicité. Je n'ai connu dans mon enfance que deux boissons, l'absinthe et le cacao. Elles m'ont inspiré le même dégoût salutaire. Un accident avait exaspéré sa haine de l'anarchisme moderne. Il traversait je ne sais quelle rue de Londres au moment où une bombe y éclata. Il continua de vivre en apparence comme par le passé, calme, poli, de manière douce. Mais il y avait dans son esprit un endroit qui n'était peut-être plus tout à fait normal. Il s'attendait à quelque chose de comparable à une invasion chinoise. Quand il se promenait de nuit sur les quais de la Tamise, mordant amèrement un cigare à bas prix et méditant sur les progrès de l'anarchie, il n'y avait pas d'anarchiste, bombe en poche, plus sauvage d'aspect que ce solitaire ami de l'ordre. C'est peut-être pourquoi un policeman en faction sur les quais s'était approché de lui et lui avait dit « Bonsoir. » En vérité, le soir est-il si bon ou si beau ? Pour vous autres, la fin du monde aussi serait un beau soir. Mais voyez donc ce soleil rouge sur le fleuve, rouge sang. Je vous le dis, ce fleuve charrierait du sang humain, des flots lumineux de sang. Que vous seriez là, comme vous êtes ce soir, solide et calme, occupé à guetter quelques pauvres vagabonds inoffensifs pour le faire circuler. Vous autres policemen, vous êtes cruels pour les pauvres. Oh, encore vous pardonnerai-je votre cruauté. Votre calme, qui est intolérable. Si nous sommes calmes, c'est le calme de la résistance organisée. Comment ? Il faut qu'un soldat reste calme au fort de la bataille. Le calme d'une armée est fait de la furie d'un peuple. Dieu ! Bon, voilà l'enseignement qu'on donne dans les écoles. Est-ce là ce qu'on appelle l'éducation non confessionnelle ? Et égal pour tous. Non, je n'ai pas eu le bénéfice d'une telle éducation. Les board schools sont venus après moi. L'éducation que j'ai reçue fut très sommaire et maintenant elle serait très démodée, je le crains. Où l'avez-vous reçue ? Oh, à Harrow. Harrow ? Seigneur ! Ben, vous ne devriez pas être dans la police ? Je sais, je n'en suis pas digne. Mais pourquoi y être entré ? À peu près pour la même raison qui vous l'a fait calomnier. J'ai reconnu qu'il y a dans cette organisation des emplois pour ceux dont les inquiétudes touchant l'humanité visent les aberrations du raisonnement scientifique plutôt que les éruptions normales et, malgré leurs excès excusables, des passions humaines. Je crois être clair. Comment se fait-il qu'un homme comme vous vienne parler philosophie sous un casque bleu, sur les quais de la Tamise ? Et il est évident que vous n'êtes pas informé des récents développements de notre système de police. Je n'en suis pas surpris, d'ailleurs, car nous les cachons à la classe cultivée, où se recrutent la plupart de nos ennemis. Mais il me semble que vous avez des dispositions, que... Vous pourriez être des nôtres. Être des vôtres ? Et pourquoi ? Ben, je vais vous le dire. Voici la situation. Depuis longtemps, le chef de notre division, l'un des plus fameux détectives d'Europe, estime qu'une conspiration intellectuelle, purement intellectuelle, ne tardera pas à menacer l'existence même de la civilisation. La science et l'art ont entrepris une silencieuse croisade contre la famille et l'État. C'est pourquoi il a créé un corps spécial de policemen philosophes. Leur rôle est de surveiller les initiateurs de cette conspiration, de les surveiller non seulement par les moyens dont nous disposons pour réprimer les crimes, mais de les surveiller et de les combattre aussi par la polémique, par la controverse. Et que faites-vous donc ? Le rôle du policeman philosophe exige plus de hardiesse et de subtilité que celui du détective vulgaire. Celui-ci va dans les cabarets borgnes arrêter les voleurs. Nous nous rendons aux thés artistiques pour y dénicher les pessimistes. Le détective vulgaire découvre en consultant un grand livre qu'un crime a été commis. Nous diagnostiquons en lisant un recueil de sonnets qu'un crime va être commis. Notre mission est de monter jusqu'aux origines de ces épouvantables pensées qui inspirent le fanatisme intellectuel et finissent par pousser les hommes au crime intellectuel. Mais pensez-vous qu'il y ait vraiment un rapport aussi étroit entre l'intellect moderne et le crime ? Nous nous souvenons des empereurs romains. Nous nous souvenons des princes empoisonneurs de la Renaissance. Nous prétendons que le criminel dangereux par excellence, c'est le criminel bien élevé. Nous prétendons que le plus dangereux des criminels aujourd'hui, c'est le philosophe moderne affranchi de toutes les lois. Comparé à lui, le voleur et le bigame sont des gens d'une parfaite moralité. Combien mon cœur les lui préfère. Ils ne nient pas l'essentiel idéal de l'homme. Tout leur tort est de ne pas savoir le chercher où il est. Le voleur respecte la propriété. C'est pour la respecter mieux encore qu'il désire devenir propriétaire. Le philosophe déteste la propriété en soi. Il veut détruire l'idée même de la propriété individuelle. Le bigame respecte le mariage et c'est pourquoi il se soumet aux formalités, cérémonies et rites de la bigamie. Le philosophe méprise le mariage en soi. L'assassin même respecte la vie humaine. C'est pour se procurer une vie plus intense qu'il supprime son semblable. Le philosophe hait la vie en soi. Il la hait en lui-même comme en autrui. Comme cela est vrai. C'est ce que j'ai pensé dès mon enfance, mais je n'étais pas parvenu à formuler l'antithèse verbale. Ah oui. Tout méchant qu'il soit, le criminel ordinaire est du moins, pour ainsi dire, conditionnellement un brave homme. C'est un réformateur. Ça n'est pas un anarchiste. Il veut réparer l'édifice, il ne veut pas le démolir. Mais le mauvais philosophe ne se propose pas de modifier. Il veut anéantir. Ah, mais c'est absurde. C'est intolérable. J'ignore quel métier vous faites. Mais quel qu'il soit, je sais que vous manquez votre vocation. Il faut que vous vous enrôliez dans notre brigade de philosophes anti-anarchistes. Et vous le ferez. L'armée de nos ennemis est à nos frontières. Ils vont tenter un grand coup. Un instant de plus. Et vous manquez la gloire de travailler avec nous. La gloire, peut-être, de mourir avec les derniers héros du monde. Certes. L'occasion est rare et précieuse. Pourtant, comment pouvez-vous parler d'une armée organisée par eux et du coup qu'ils sont sur le point de frapper ? Qu'est-ce que cette anarchie-là ? Le vaste mouvement dont je parle est philosophique. Et l'on y distingue un cercle intérieur et un cercle extérieur. On pourrait même désigner le cercle extérieur par le mot laïque et le cercle intérieur par le mot sacerdotal. Je préfère ces deux étiquettes plus claires, section des innocents et section des criminels. Les premiers, plus nombreux, sont de simples anarchistes, des gens convaincus que les lois et les formules ont détruit le bonheur de l'humanité. Ils croient que les sinistres effets de la perversité sont produits par le système, précisément, qui admet la notion de la perversité. Ils ne croient pas que le crime engendre la peine. Ils croient que la peine engendre le crime. Pour eux, le séducteur, après avoir séduit 7 femmes, serait aussi irréprochable que les fleurs du printemps. Selon eux, le pickpocket aurait l'impression d'être d'une exquise bonté. Voilà ma section des innocents. Oh ! Mais naturellement, ces gens-là parlent de l'heureux temps qui s'annonce, d'un avenir paradisiaque, d'une humanité délivrée du joug, de la vertu et du vice, etc. Mais ceux du cercle intérieur, du cercle sacerdotal, tiennent le même langage. Eux aussi, devant les foules délirantes, parlent de félicité future, de délivrance finale. Mais dans leur bouche, ces mots ont un sens épouvantable. Car ils ne se font pas d'illusions. Et ils sont trop intelligents pour croire que l'homme en ce monde puisse jamais être tout à fait libéré du péché originel et de la lutte. Ils pensent à la mort. Quand ils parlent de la délivrance finale de l'humanité, ils pensent au suicide de l'humanité. Quand ils parlent d'un paradis sans mal et sans bien, ils pensent à la tombe. Ils n'ont que 2 buts, détruire les autres hommes, puis se détruire eux-mêmes. C'est pourquoi ils lancent des bombes au lieu de tirer des coups de revolver. La foule des innocents est désappointée parce que la bombe n'a pas tué le roi. Mais les grands prêtres se réjouissent parce que la bombe a tué quelqu'un. Que dois-je faire pour être des vôtres ? Je sais qu'il y a une vacance en ce moment, ayant l'honneur d'être un peu dans les confidences du chef dont je vous ai parlé. Voulez-vous venir le voir ? Ou plutôt, je ne dis pas que vous le verrez, personne ne l'ayant jamais vu, mais vous pourrez causer avec lui, si vous le voulez. Par le téléphone, donc ? Non. Il a la fantaisie de vivre dans une chambre très obscure. Il dit que ses pensées en sont plus lumineuses. C'est vous, la nouvelle recrue. C'est bien. Vous êtes enrôlé. Je n'ai, à vrai dire, aucune expérience. Personne n'a aucune expérience de la bataille d'Armageddon. Mais je suis tout à fait incapable. Vous avez la bonne volonté. Cela suffit. Pardonnez-moi, mais je ne connais aucun métier où la bonne volonté soit suffisante. J'en connais un, moi. Celui de mardi. Je vous condamne à mort. Bonjour. Nous avons vu où son aventure finit par amener Sime. Vers 1h30, une nuit de février, il voyageait dans une légère embarcation sur la Tamise. Armé de la canne à épée et du revolver, il était le jeudi régulièrement élu au Conseil central anarchiste. Où siègent d'horribles rois païens. Le nommé jeudi, de J.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le troisième épisode, jeudi, avec Pierre Arditi, Sime, jeudi, Gérard de Sarthe, Grégory, Raymond Jourdan, Buttons, Michael Lonsdale, le policeman, Julien Guillaumard, le narrateur, et Frédéric Girard, Jacques Maire, Michel Orlando, Hamzel, Pascal Martin-Granel, Alain Christie, Frédéric Bourali. Bruitage, Dominique Aubert. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 7 septembre 1983. Nous n'attendrons pas 24 heures pour connaître la suite de ce feuilleton, contrairement aux auditeurs de 1983. Voici donc le quatrième épisode, lequel, on s'en doute, ne clarifiera pas la situation. Seulement un policeman déguisé en poète, c'était vraiment un poète qui s'était fait détective. Il n'y avait pas trace d'hypocrisie dans sa haine de l'anarchie. Il était de ceux que la stupéfiante folie de la plupart des révolutionnaires amène à un conservatisme excessif. Ce n'était pas la tradition qui l'y avait amené. Son amour des convenances avait été spontané et soudain. Il tenait pour l'ordre établi. Par rébellion contre la rébellion. Le nommé jeudi de J.K. Chesterton, adapté par Roger Bilodin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, quatrième épisode. Le repas épouvantable. Avec Pierre Arditi, Pascal Mazzotti, Jean-Paul Tamaris, Roger Mollien, Roger Carrel, William Corinne, Alain Cuny, Julien Guillaumard, Gilles Varga. Réalisation Claude Roland Manuel. L'assaut des trônes massifs où siègent d'horribles rois païens. Personne en vue. Cet escalier de pierre est désert comme une pyramide. Ah si, quelqu'un là-haut. Accoudé au parapet. Il regarde le fleuve. Aspect très ordinaire, chapeau de soie, redingote correcte. Fleur rouge à la boutonnière. Ne me voit-il pas? Impossible. Aucun signe. Il ne bouge pas. Pourtant, je pressens que c'est moi qui l'attends. Toujours inerte. Bonjour. Ne détournera-t-il pas son visage de la rivière? Savez-vous ce que c'est que ce papier? Dieu, quel sourire! De la glace! En nous dirigeant tout de suite vers Leicester Square, nous arriverons juste à temps pour déjeuner. Dimanche tient beaucoup à déjeuner de bon matin. Jeudi, je suis lundi. Avez-vous dormi? Non. Moi non plus, je tâcherai de dormir après déjeuner. Sans nul doute, le président de la section vous a dit tout ce qu'il pouvait vous dire. Et la seule chose qu'on ne puisse jamais dire, c'est la dernière idée de dimanche. Car ces idées se multiplient comme les végétations d'une forêt tropicale. Et pour le cas où vous ne le sauriez pas, il a résolu de nous cacher en ne nous cachant pas du tout. Au début, naturellement, nous nous réunissions sous terre, dans une cave, comme font les membres de votre section. Puis, dimanche, nous convoqua dans un cabinet de restaurant. Il disait que si nous ne paraissions pas nous dissimuler, personne ne se défierait de nous. Je sais bien qu'il n'a pas son pareil au monde, mais vraiment, je crains parfois que son vaste cerveau ne se détraque un peu avec l'âge. Car maintenant, nous nous exposons aux yeux du public. Nous déjeunons sur un balcon. Un balcon, remarquez-le bien, qui domine Leicester Square. Et que disent les gens ? Ils disent que nous sommes de gays compagnons, des gentlemen qui se prétendent anarchistes. L'idée de dimanche me paraît très ingénieuse. Ingénieuse ? Que Dieu punisse votre imprudence. Ingénieuse. Quand vous aurez vu dimanche le quart d'une seconde, vous perdrez l'envie de traiter ces idées d'ingénieuse. Nous y sommes. C'est l'hôtel à l'angle, là-bas. Et au-dessus de la porte-fenêtre, ce balcon énorme. Et ce groupe bruyant ? Ce sont eux. Les membres du conclave secret des dynamiteurs européens. Cet homme de stature imposante à l'extrémité du balcon, gros, si excessif. C'est lui. C'est dimanche. Syme n'avait pas douté un instant que ce monstre qui remplissait le balcon fut le grand président dont les anarchistes ne pouvaient prononcer le nom sans trembler. Il le savait. Il l'avait su immédiatement, sans qu'il lui eût été possible de préciser les motifs de sa certitude. Syme était un de ces hommes qui sont sujets aux influences psychologiques les plus obscures, à un degré qui ne va pas sans quelque danger pour la santé de l'esprit. Inaccessible à la peur physique, il était beaucoup trop sensible à l'odeur du mal moral. Plusieurs fois déjà pendant cette nuit, des choses insignifiantes avaient pris à ses yeux une importance capitale, lui donnant la sensation qu'il était en route vers le quartier général de l'enfer. Et cette sensation devenait irrésistible, maintenant qu'il allait aborder le grand président. Elle prit la forme d'une suggestion terrible et pourtant détestable. Comme il se dirigeait vers l'hôtel, il lui sembla que la large figure de dimanche s'élargissait encore, s'amplifiant toujours. Et Syme fut pris de terreur à la pensée que cette figure serait bientôt trop vaste pour être possible et que ne pourrait s'empêcher de jeter un cri. Il se rappelait qu'enfant, il ne pouvait regarder le masque de Mammon au musée britannique. Bonsoir, mon ami. Où sont ces messieurs ? Bonsoir, messieurs. Ces messieurs sont là. Ils causent joyeusement. Ils prétendent qu'ils veulent jeter des bombes sur le roi. Frivole. Frivole. Ah ! Voici jeudi. Soyez le bienvenu, camarade. Bienvenue à vous. Tenez, prenez place. Café ? Thé ? Goûtez de cette confiture. Asseyez-vous, cher secrétaire et lundi. Entre chacun de nous. En face de vous, Gogol. Il est mardi. Son voisin, le marquis de Saint-Eustache, est mercredi. Ce très vieux monsieur est l'illustre professeur Worms, alias Vendredi. Quant à ce petit homme au vert noir, c'est le docteur Bull, alias Samedi. Notre ami Mardi n'a pas bien saisi mon idée. Il s'habille comme un gentleman, mais on voit qu'il a l'âme trop grande pour se tenir comme un gentleman. Il ne peut renoncer aux attitudes des conspirateurs de mélodrame. Qu'un gentleman, coiffé du haut de forme, vêtu de la redingote classique, se promène dignement dans Londres, personne ne soupçonnera en lui un anarchiste. Mais si, tout bien mis qu'il soit, il se met à marcher à quatre pattes, alors certes, il attirera l'attention. C'est ce que fait le frère Gogol. Il a mis une si profonde diplomatie à marcher à quatre pattes qu'il éprouve maintenant une réelle difficulté à se tenir sur ses pieds. Est-ce la lumière ? quel étrange phénomène m'empêche de le bien distinguer, de cerner le visage de Dimanche. Je ne suis pas habile à me déguiser. Je n'ai pas honte de la cause. Mais si. La cause a honte de vous. Vous vous efforcez autant qu'un autre de vous cacher. Mais vous n'y réussissez pas parce que vous êtes un âne. Vous prétendez concilier deux méthodes inconciliables. Quand un propriétaire trouve un homme sous son lit, naturellement, il prend note de cette circonstance. Mais si c'est un homme coiffé du haut de forme qu'il trouve sous son lit, il est peu probable, vous en conviendrez avec moi, mon cher Mardi, qu'il l'oublie facilement. Or, quand on vous trouva sous le lit de l'amiral Biffin... Je ne suis pas habile à tromper le monde. Parfaitement, mon ami, parfaitement. Vous n'êtes habile en rien. Après le rire abominablement réjoui du président... En rien. Rien ne paraissait à Syme plus affreux que le rictus du secrétaire lundi. Ce visage noble, mais invraisemblablement émacié... Dénoncerait-il les ravages de la maladie ? Oh non. Cet homme ne souffre pas d'un mal physique. Sa souffrance est purement intellectuelle. C'est sa pensée qui fait sa torture. Le couteau ! Convenez à l'antique querelle personnelle d'un individu contre un tyran. Mais la dynamite n'est pas seulement notre instrument le meilleur, elle est aussi notre meilleur symbole. Un aussi parfait symbole de l'anarchie que peut l'être l'encens pour les prières des chrétiens. La dynamite se répand et ne tue que parce qu'elle se répand. La pensée aussi ne détruit que parce qu'elle se répand. Le cerveau est une bombe. Mon cerveau est une bombe que je sens sur le point sans cesse d'éclater. Il veut se répandre. Il faut qu'il se répande. Il faut que la pensée se répande. L'univers en fut-il réduit en poussière ? La folie de Mardi se trahissait plus vite que celle de son voisin lundi. Mais n'était-ce pas un fou aussi que mercredi, un certain marquis de Saint-Eustache, figure aussi peu banale que les deux autres ? Les couteaux a servi à couper d'excellentes choses. Quelle exquise sensation ! Enfoncer un couteau dans le dos d'un président de la République et retourner les fers dans la plaie. Peut-être un juif. Je ne veux pas... Mais vraisemblablement, ses racines plongent plus profondément encore au cœur de l'Orient. Dans les tableaux joyeusement bariolés sur les briques de la sombre cour de Perse, qui représentent des tyrans en chasse, on voit de ses yeux en amande, de ses barbes noires aux reflets bleus, de ses lèvres bleues, de ses lèvres écarlates et féroces. Je ne désire pas que l'univers saute en ce moment. Je veux faire autant de mal que je pourrais avant de mourir. J'y pensais hier soir, dans mon lit. Un très vieux monsieur... L'illustre professeur de Worms occupait le siège de vendredi. Encore que son cerveau gardât toute son activité, le professeur penchait au dernier état de la décadence sénile. Son visage était aussi gris que sa longue barbe grise. « Chacun sait au fond de son cœur que rien ne vaut aucun effort. » Une ride profonde, expression d'un doux désespoir, creusait son front. Nul autre, pas même Gogol, ne faisait avec son habit de fiancé un contraste plus pénible. La fleur rouge de sa boutonnière accusait, exagérait encore la lividité d'un visage littéralement décoloré, plombé. On eût dit un cadavre que quelques dandys ivres auraient affublé de leurs habits mondains. Ce n'est pas seulement de la décrépitude, c'est déjà de la pourriture. À chaque mouvement, le professeur pourrait laisser choir un de ses bras ou une de ses jambes. Samedi portait le nom de Boulle, le docteur Boulle. On observait chez lui... En effet, si le néant est le but unique de tout... Cela vaut-il le moindre effort ? On observait ce mélange de désinvolture et de familiarité polie qui caractérise souvent les jeunes médecins. Il porte ses beaux habits hardiment plutôt qu'avec aisance. Un sourire vague reste figé sur ses lèvres. Seul signe particulier, il a sur le nez une paire de lunettes au vert noir, presque opaque. Avec la plus profonde force, sa plus grande énergie à respecter... Pourquoi ces disques sombres m'épouvantent-ils ? C'est le seul moyen d'arriver à quelque chose... Et pourquoi me rappelle-t-il cette affreuse histoire où il était question de sous qu'on incruste dans les yeux des morts ? Que signifie son sourire figé ? Que veut dire sa gravité, cette virilité vulgaire ? Ce docteur aux yeux noirs doit être le pire d'entre ces mauvais. Peut-être même ne se cache-t-il ainsi les yeux que parce qu'ils sont trop horribles à voir. Chacun d'eux se tient, pour ainsi dire, au point extrême de quelque route sauvage de la pensée. Dans combien de jours? Dans 3 jours. Le tsar? Il est président de la République française? En êtes-vous sûr? Un homme qui marcherait toujours vers l'ouest, jusqu'au bout du monde, finirait sans doute par trouver quelque chose, par exemple un arbre, qui serait à la fois plus et moins qu'un arbre, un arbre possédé par les esprits. Mais de même, en allant toujours vers l'est, jusqu'au bout du monde, il rencontrerait une certaine chose qui ne serait pas non plus cette chose même. Une tour, peut-être, dont l'architecture, déjà, serait un péché. Il faut les tuer, tous les deux! Il faut jeter une bombe! Les tuer, tous les deux, et autant de leurs acolytes qu'il se peut! Qui jettera la bombe? Le marquis de Saint-Eustache. Mercredi? Mercredi! Quoi qu'il arrive, j'ai promis à Grégory de ne pas enjamber le balcon. De ne pas appeler la police. Que j'ose défier cet homme qui me regarde de ses terribles yeux bleus. Et je suis condamné. Atteint de paralysie sur mon siège. Où je mourrai longtemps après de quelque mystérieuse maladie. Nous nous écartons de la question. La question est celle de savoir comment Mercredi portera le coup. Il me semble que nous devons nous en tenir à l'idée première. La bombe. Quant au détail, je suis d'avis que dès demain matin... Notre camarade s'embarque pour... Avant d'en venir à discuter ce point, je vous prie de m'accompagner dans un cabinet particulier. J'ai une communication très spéciale à vous faire. Dieu. Le moment de choisir est venu. Le pistolet est sur ma tempe. Trahir mon serment et appeler le policeman qui fait les 100 pas dans la rue. Suivez-moi. Chrétien en tort et chrétien en droit. Je suis l'ambassadeur de tous ces pauvres gens, honnêtes et vulgaires, qui par les rues s'en vont à la bataille de la vie chaque matin, au son de l'orgue de barbarie. Comme je ne suis qu'un homme, sans que je puisse dire pourquoi ni comment, à une hauteur incommensurable au-dessus des monstres qui m'entourent. Un homme ayant sur des bêtes puissantes l'inconsciente et élémentaire supériorité d'un brave homme. Un homme ne possédant ni la force intellectuelle ni la force physique du président Dimanche, mais ne regrettant pas cette infériorité de ne pas avoir des muscles de tigre ou l'appendice d'un rhinocéros. Un homme qui oublie tout devant cette certitude suprême. Dimanche a tort et l'orgue de barbarie a raison. Païen au tort, chrétien au droit, païen au tort, j'affronterai la mort. Les gens de l'orgue de barbarie tiennent leurs engagements. Selon les lois de l'honneur antique, je ferai comme eux. La fidélité à ma parole sera d'autant plus glorieuse que je l'ai donnée à des mécréants. Et mon dernier triomphe sur ces fous sera de les suivre dans ce cabinet particulier et de mourir pour une cause qu'ils ne pourraient même pas comprendre. Prenez place. Voilà donc comment vous renoncez à vous cacher. Vous dites que vous vous montrez, vous vous moquez de nous. Quand il s'agit de parler sérieusement, vous ne manquez pas de vous enfermer dans une boîte obscure. Vous ne comprenez pas encore, Gogol. Les gens qui nous ont entendu dire des bêtises sur le balcon ne se soucient plus de savoir où nous allons ensuite. Si nous avions commencé par nous cacher ici, tous les garçons seraient venus écouter à la porte. Vous ne connaissez pas les hommes. Je meurs pour eux! Je tue leurs oppresseurs, mais je n'aime pas le jeu de cache-cache. Je voudrais frapper les tyrans en plein square. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous commencez par mourir pour l'humanité, et puis vous ressuscitez pour frapper les tyrans. C'est à merveille. Permettez-moi maintenant de vous prier de maîtriser vos bons sentiments, de vous asseoir avec ces messieurs. Pour la première fois ce matin... Vous allez entendre une parole sensée. Camarades, Cette farce a assez duré. Je vous ai réunis ici pour vous apprendre quelque chose de si simple et pourtant de si choquant que des garçons de cet établissement, si habitués qu'ils soient à nos folies, pourraient remarquer dans mes paroles une gravité inaccoutumée, camarades. Nous discutions tout à l'heure des plans d'action. Nous proposions des lieux. Avant d'aller plus loin, je vous demande de confier entièrement et sans contrôle la décision à l'un de nous, à un seul, le camarade samedi, le docteur Bull. Pas un mot de plus aujourd'hui sur nos plans. Pas la plus mince révélation de nos projets dans cette société. Vous le devinez sans doute, pour proscrire de ce festival de la liberté de la parole, je ne puis avoir qu'un seul motif. Peu importe que des étrangers nous entendent, il est convenu pour eux que nous plaisantons. Ce qui importe, ce qui a une importance capitale, c'est qu'il y a parmi nous un homme qui n'est pas des nôtres, un homme qui connaît nos graves desseins et qui n'a pas pour eux la moindre sympathie. Oh, c'est impossible! C'est impossible! Oui! Oui! Il y a, dans cette chambre, un espion. Il y a un traître à cette table. Je ne perdrai pas un mot de plus. Il se nomme... Saïm. Et Saïm va te tuer. Il se nomme Gogol. C'est ce charlatan chevelu qui se prétend polonais. Attention, Gogol est armé. Prenez-le à la gorge. Assis. Lâchez Gogol. Qu'il reprenne sa place. Eh bien, mon garçon, voulez-vous me faire le plaisir de fouiller la poche supérieure de votre gilet et de me montrer ce que vous y trouverez. Slave pathétique. Fils tragique de la Pologne. Êtes-vous disposé à prétendre maintenant et devant cette carte de la police anti-anarchiste qu'en notre société vous n'êtes pas... Comment dirais-je? De trop. Je pense que vous vous rendez compte de votre position. Tu parles. Et croyez-vous qu'un vrai Polonais aurait su être aussi polonais que moi? Ah, je vous accorde ce point. Votre accent, d'ailleurs, est inimitable. Pourtant, je m'y essaierai en prenant mon bain. Voyez-vous quelque inconvénient à laisser ici... votre barbe avec votre carte? Oh, pour le moins du monde. Allez, voici. C'était bien chaud, tous ces poils. Oh, je vous rendrai justice en disant que vous avez su, sous ce masque si chaud, garder tout votre sang-froid. Écoutez-moi. Vous me plaisez. Il me serait... oh. Donc désagréable pendant au moins 2 minutes et demie d'apprendre que vous avez succombé au tourment. Eh bien, si vous parlez de nous à la police ou à âmes qui vivent, il me faudra subir ces 2 minutes et demie de désagrément. Quant à l'ennui qui en résulterait pour vous, je n'y insiste pas. Adieu donc et prenez garde à l'escalier. Le temps passe. Il faut que je vous quitte sur le champ. J'ai l'obligation de présider une réunion humanitaire. Ne vaudrait-il pas mieux reprendre la discussion de notre projet maintenant que nous sommes entre nous? Je ne suis pas de votre avis. Laissons tout en plan. Samedi arrangera tout. Je m'en vais. Je suis pressé. Nous déjeunerons ici dimanche prochain. J'ai le devoir de protester, Président, contre cette irrégularité. C'est une règle fondamentale de notre société que tous les plans doivent être discutés en plein conseil. Sans doute, je rends pleinement hommage à votre prudence en présence d'un traître. Secrétaire, très sérieusement, si vous rapportez votre tête chez vous, essayez donc de la faire cuire comme un navet. Peut-être alors sera-t-elle bonne à quelque chose. Toutefois, je n'affirmerai rien. Je ne puis comprendre. Parfaitement. Vous ne pouvez rien comprendre, c'est bien cela. Et ça vous arrive assez souvent. Voyons. Anne Batté que vous êtes. Vous ne vouliez pas qu'un espion nous entendît, hein? Oh. Que savez-vous si, en ce moment même, un espion ne nous entend pas, hein? Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le quatrième épisode, Le repas épouvantable. Avec Pierre Arditi, Saïm, Pascal Mazzotti, lundi, Jean-Paul Tamaris, mardi, Roger Mollien, mercredi, Roger Carrel, vendredi, William Corinne, samedi, Alain Cuny, dimanche, Julien Guillaumard, le narrateur, Gilles Varga, le garçon de restaurant. Bruitage, Alain Platiot. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland Manuel. Nous n'attendrons pas 24 heures pour connaître la suite de ce feuilleton, contrairement aux auditeurs de 1983. Voici donc le quatrième épisode, lequel, on s'en doute, ne clarifiera pas la situation. Ces troisième et quatrième épisodes, jeudi puis le repas épouvantable, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 7 et 8 septembre 1983. Prochain épisode, Conduite inexplicable du professeur de Worms. Le nommé jeudi est publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Vous pourrez réécouter ces épisodes en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.